que je vais me péter le cou. Les mecs se prennent pour les meilleurs, mais tout le monde sait que c'est nous. Ils ont le rap, mais pas le flow. Les chaînes, mais pas le flou. C'est pour ça qu'ils voient flou. Mon geek est grave, ça le fout. J'avoue. Merci, merci, mais ça, on le sait déjà. Chaque fois qu'on monte sur scène, on fait des gars. Ils sont tous à venir la relève de Paris. Mais on ne leur a pas dit que t'es elle et ça arrive. Puis merde, j'en ai marre des égo trip à la con. Trop de conneries à la seconde, c'est parfumé à la seconde. N'empêche qu'on tourne en rond. Qui est ni qui est bon, qui descend et qui monte. On a compris, c'est la honte. Frère, les rappeurs vieillissent, fin du premier service. Passe-nous deux mics sans fil, qu'on s'évite. C'est la fin d'un cycle, fin du premier round. Hip-hop tout droit, un coup de poing dans la face. Laissez-nous la place. Ils ont tellement pondu de merde qu'on doit tirer la chasse. Me fâche et déterre la hache de guerre, ils peuvent rien faire. Tous les vieux ont grave les nerfs. Je leur laisse un goût amer et repars confiant. C'est fini les nique ta mère, place à mon rap conscient. Et du neuf tout en respectant les anciens. Un retour aux sources pour se laver les mains. Je te passe des tas de phases. Écrase les petites crasses, efface les petites traces. Un mic c'est l'extase. Ramasse les esclaves, rival je m'esclave. Les baffes faites face, les basses faites place. C'est qu'un freestyle, rien de plus. Cherchez l'intrus. Je fais de l'origami, je viens de plier l'instru. Passe à Paname, Paris, pris, même que j'ai pas la jante, t'es pas là, j'suis à part à mon follow, j'ai dans un pala, j'suis relégué, mon amal, arabe de mal, la Suisse est par là, un fossé de savoir, mais c'est pas grave de ce tas de scar là. Il crache sur le hip hop, certains regrettent ses valeurs. D'un côté des bobos, mi rappeur, de l'autre des râleurs. Tous des menteurs, j'ai peur, mais j'ai gardé la foi. Retour aux sources, ce soir, le vocodeur a perdu sa voix. J'sais pas si t'as compris, mais c'est fini de jouer. Depuis mon couplet sur le vocal, ils veulent tous m'amadouer. J'ai pas fait le tir, j'ai passé du pli, j'ai capé du pire, la casse la bire, le passé se retire, le passé tant pis, bon j'avoue, j'crois que j'suis doué. Yo, un genre musical, lyricalement appliqué. 15 balles, la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour bien kicker. Fric péta, santo péta, fling, voilà ce que les cons veulent. La tige m'écarte, j'ai un flow de terre normal que je me sens seul. Le son est propre, mec, c'est labo aux manettes. Encore de petits panettes, on vient d'une autre planète. O-L-I, ça continue encore et encore. Aujourd'hui, le micro d'argent s'est transformé en or. Transformé en or. Big flow et holy, golden, golden, shine. De petits jeunes qui font du rap à l'ancienne. L'ancienne. Un retour aux sources pour se laver les mains. Freestyle à l'ancienne. Big flow et holy. Le labo, keep it real, golden shine. Green.